donné, les gars. On m'a dit, ça fait des années qu'on prend des pizzas à 100 pizzas cool, ça part dans la loupe, ça. Moi, je suis venu dans la veste. On encaisse, gros. Sifax, Popoche, Labreux. Cogne. Tu te rappelles? Attends, je t'explique, Narvalo. Eh, faut pas croire que tout va béné, même quand j'ai tout, je suis énervé. J'ai plus envie de rapper, mais je vais le faire comme à l'ancienne. Je me levais tôt pour aller vendre, ils avaient la flemme. Et maintenant ils s'étonnent quand ils voient le gamos que je dégaine. Mais quand j'étais en chien, j'avais rien, et avec qui? Donc arrêtez de me dire, fais croquer, ça sert à qui? Je suis allé voler solo, fais comme moi, ça va payer. J'avais la tête sous l'eau, regarde maintenant, je paye deux loyers. Je prends soin de mes petites sœurs, y'a que pour eux que j'ai un cœur. Manque leur de respect, je t'allumerai devant ton ascenseur. Je suis pas une salope, je vais pas te menacer que dans mes sons, juste une enveloppe. Et si je veux, t'es plus de ce monde, tu te rappelles quand tu m'as dit t'es mon frère à vie mais t'es une pute. Pour un vieux billet t'as changé d'avis, heureusement que j'ai la mentale. Y'aura toujours des plans, de toute façon je compte que sur mes gants pour aller prendre des tales et aller va voir ailleurs. Si t'es pas un bandit c'est pour ceux qui se lèvent à 8h pour filoche des convoyeurs. Ouais, ouais. C'est pour ceux qui se lèvent à 8h, pour filoche des convoyeurs. Je fais des millions de vues, mais je suis encore à la tête. Quand tu me vois, fais pas le fou, je pourrais te mettre des coups de crosse. Bang, bang, quand je repense à mon ex, on dirait que j'ai touché de la frappe, elle revient comme un bolos. Ouais, ouais, je finirai pas à plat, j'ai des assos. Même quand on prend les sous, ils partent pas s'il y a pas de sang. Et si tu me crois pas, demande à Soso et dira que ça fait des années qu'on prend des billets de 500. Je finirai pas à plat, j'ai des assos. Même quand on prend les sous, ils partent pas s'il y a pas de sang. Et si tu me crois pas, demande à Soso et dira que ça fait des années qu'on prend des billets de 500. Ouais. Sifax, Popoche, Labreux. Tu te rappelles? Cogne. Faut être dans la mentale. T'as capté les gens? Ma gueule, voilà. Eh, mon poteau, salut le Binox, ma gueule, en direct du Star. En direct, mon frère, mon sang.